Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle qui s'appelle Corvus, écrite par Satyajit Ray, qui est un réalisateur, écrivain, compositeur indien du Bengali. Il est né en 1921, il est mort en 1992. Il a fait un premier film, Pater Panchali, qui est particulièrement apprécié et connaît une longue diffusion. Les joueurs d'échecs et le salon de musique sont des chefs-d'œuvre. Il fait revivre le magazine pour enfants que son grand-père avait lancé, nommé Sandesh, qui signifie à la fois « nouvelle » en bengali et désigne un dessert sucré, apprécié au Bengale. Donc voilà, voilà. Je commence. Corvus. Le 15 août. Les oiseaux m'ont toujours fasciné. Lorsque j'étais enfant, nous avions un mina auquel nous avions appris à prononcer clairement plus de 100 mots bengalis. Bien sûr, je savais que, bien que certains oiseaux fussent capables de parler, ils ne comprenaient pas le sens de ce qu'ils disaient. Un jour pourtant, notre mina fit une chose si extraordinaire que je fus bien obligée de réviser mon opinion. Je venais de rentrer de l'école et ma mère m'avait apporté une assiette de halva, lorsque soudain l'oiseau se mit à hurler « Tremblement de terre, tremblement de terre !» Nous ne ressentîmes rien. Le lendemain, cependant, les journaux rapportèrent qu'une légère secousse avait été enregistrée par les sismographes. Depuis lors, j'ai toujours éprouvé de la curiosité pour l'intelligence des oiseaux, même si mes travaux sur différents projets scientifiques ne m'ont jamais permis de m'y consacrer. Mon chat n'est pas sans responsabilité dans cette affaire. Newton n'aime pas les oiseaux et je ne voudrais pas faire quelque chose qui lui déplaise. Ces derniers temps, toutefois, peut-être à cause de son âge, il s'est de plus en plus désintéressé des oiseaux. C'est peut-être pour cette raison que mon laboratoire est régulièrement visité par des corneilles, des moineaux et des chalix. Je leur donne à manger chaque matin. Dans cette attente, ils commencent bien avant le lever du soleil à manifester devant ma fenêtre. Chaque créature naît avec les aptitudes propres à son espèce. J'estime ces aptitudes plus développées et plus surprenantes chez les oiseaux que chez les autres animaux. Examinez le nid du tisserin et vous n'en croirez pas vos yeux. Si l'on demandait à un homme de construire un tel nid avec les mêmes matériaux, il s'arracherait les cheveux ou y consacrerait des mois d'incessants efforts. Il existe en Australie une espèce appelée le mâle foule qui bâtit son nid sur le sol. Sable, terre et matière végétale entrent dans la construction de ce monticule qui est percé d'une entrée. L'oiseau pond ses œufs à l'intérieur, mais ne couve pas. Or, des œufs ne peuvent éclore sans chaleur. Voici ce que l'on a observé. Par quelques processus étonnants et encore non élucidés, le mâle foule maintient dans son nid une température de 25 degrés, quel que soit le froid ou la chaleur régnant à l'extérieur. Nul ne sait pourquoi le grèbe s'arrache des plumes pour les manger et en nourrir ses petits. Par un mécanisme inconnu, ce même grèbe peut, lorsqu'il nage, réduire sa densité spécifique à la vue d'un rapace, de sorte que seule sa tête dépasse de l'eau. Nous connaissons tous l'étonnant sens de l'orientation des oiseaux migrateurs, le talent de chasseur des aigles et des faucons, l'odorat ultra-sensible des vautours, ainsi que le chant délicieux de nombreuses espèces. C'est pour ces raisons que j'ai dernièrement consacré plus de temps à l'étude des oiseaux. Que peut-on enseigner à un oiseau au-delà de ses capacités innées? Est-il possible de lui instiller une part du savoir et de l'intelligence humaine? Est-il possible de concevoir une machine visant à cela? 20 septembre. Je crois aux vertus de la simplicité. Aussi, ma machine sera-t-elle simple? Elle comportera deux parties. Une cage pour recevoir l'oiseau, l'autre élément servira à transmettre l'intelligence à son cerveau par le truchement d'électrodes. Pendant tout ce mois, j'ai soigneusement étudié les oiseaux qui viennent se nourrir dans mon laboratoire. En plus des éternelles corneilles, moineaux et chalix, il vient aussi des pigeons, des colombes, des perruches et des bulbules. Mais l'un de ces oiseaux a tout particulièrement attiré mon attention. Il s'agit d'une corneille. Non pas un corbeau, mais une simple corneille. Je la reconnais facilement de ses congénères. Outre une petite marque blanche sous l'œil droit, sa conduite l'en distingue. Ainsi, jamais je n'avais vu une corneille prendre dans son bec un crayon et, à l'aide de celui-ci, faire des marques sur une table. Elle a fait hier une chose saisissante. J'étais en train de travailler à ma machine lorsque j'ai perçu un bruit de frottement léger. D'une boîte entrouverte, la corneille avait sorti une allumette et la tenant dans son bec, elle s'employait à la frotter contre le grattoir. Quand je l'ai chassée, elle est allée se percher sur le rebord de la fenêtre pour émettre une série de cris saccadés qui ne ressemblaient en rien à un croassement normal. En fait, j'ai bien cru pendant une minute qu'elle riait. 27 septembre. J'en ai terminé aujourd'hui avec l'assemblage de mon orniton, ainsi que je l'ai baptisé. Mangeant des miettes de pain, sautillant de fenêtre en fenêtre, la corneille n'a pas quitté le laboratoire de toute la matinée. Dès que j'ai placé la cage sur la table et que j'en ai ouvert la porte, elle y est entrée, signe de ce qu'elle a grande hâte d'apprendre. Une certaine assimilation du langage étant nécessaire pour que l'oiseau suive mes instructions, j'ai commencé par des leçons simplifiées de bengali. Ces leçons étant préenregistrées, tout ce que j'ai à faire est de presser des boutons. Les différentes leçons se trouvent sur des pistes distinctes qui portent chacune un numéro. J'ai observé une chose étrange. Dès que j'appuie sur un bouton, la corneille ferme les yeux et cesse tout mouvement. Pour un oiseau aussi actif que la corneille, cela est tout à fait inhabituel. Un colloque d'ornithologie a lieu en novembre à Santiago du Chili. J'ai écrit à mon ami l'ornithologiste Rufus Grenfell, qui vit dans le Minnesota. Si mon compagnon à plumes s'avère capable d'acquérir une parcelle d'intelligence humaine, j'aimerais l'emmener à Santiago pour une conférence-exhibition. Corvus est le nom générique latin de la corneille. Je me suis mise à l'appeler mon élève par ce nom. Au début, il répondait à mon appel en tournant la tête dans ma direction. Maintenant, il répond vocalement. J'ai entendu pour la première fois une corneille dire « Qui ?»« Quoi ?» au lieu de « Crois ?» Mais je ne crois pas que la parole sera jamais son point fort. Ce qu'elle acquerra d'intelligence se révélera dans ses actions. Corvus apprend maintenant l'anglais. Si je dois faire une démonstration à l'étranger, l'anglais sera utile. Les leçons durent une heure, entre 8 et 9 heures du matin. Le restant de la journée, elle demeure dans le laboratoire. Le soir, elle préfère regagner le manguier de l'angle nord-est de mon jardin. Newton semble avoir accepté Corvus. Après ce qu'il s'est passé aujourd'hui, je ne serais pas surprise s'il finissait par fraterniser. C'était au cours de l'après-midi. Pour une fois, Corvus n'était pas là. Assis dans un fauteuil, je prenais des notes dans mon cahier et Newton était pelotonné à mes pieds. Quand un battement d'aile m'a fait tourner la tête vers la fenêtre, c'était Corvus. Elle avait dans le bec un lambeau de poisson cru qu'elle a laissé tomber devant Newton. Elle est ensuite allée se percher sur le rebord de la fenêtre pour regarder la scène avec de petits mouvements de la tête. Grenfell a répondu à ma lettre. Il dit qu'il prend des dispositions pour me faire inviter au colloque d'ornithologie. 20 octobre. Progrès inattendu au cours des deux dernières semaines. Avec un crayon dans le bec, Corvus est maintenant capable d'écrire des mots anglais ainsi que des nombres. La feuille de papier est posée sur la table et elle se tient dessus. Elle a écrit son nom en majuscule, C-O-R-V-U-S. Elle sait faire des additions et des soustractions simples, écrire le nom de la capitale de l'Angleterre et même écrire mon nom. Il y a 3 jours, je lui ai appris les mois, les jours de la semaine et la formulation des dates. Lorsque je lui ai demandé quel jour nous étions aujourd'hui, elle a lisiblement écrit « vendredi ». Corvus a aussi démontré aujourd'hui qu'elle fait preuve d'intelligence dans sa façon de s'alimenter. J'avais posé devant elle une assiette des morceaux de pain grillé et sur une autre de la gelée de goyave. Avant de prendre un morceau de pain, elle y déposait toujours un peu de gelée à l'aide de son bec. 22 octobre. J'ai eu clairement la preuve aujourd'hui que Corvus tient à rester à l'écart de ses congénères. Il y a eu une violente averse. Après un coup de tonnerre assourdissant, je suis allée à la fenêtre pour m'apercevoir que le simule du parc voisin avait été touché par la foudre. Dans l'après-midi, lorsque la pluie a cessé, j'ai entendu un formidable concert de croassements. Les corneilles du voisinage étaient rassemblées autour de l'arbre foudroyé. J'ai envoyé Prahlad, mon domestique, voir ce qu'il se passait. Il est revenu pour m'annoncer « Sœur, il y a une corneille morte au pied de l'arbre. C'est la raison de tout ce tapage. » J'ai compris que la corneille avait dû être frappée par la foudre. Assez bizarrement, Corvus n'a pas pour autant quitté le laboratoire. Tenant un crayon dans son bec, elle s'absorbait à noter la liste des nombres premiers. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. 7 novembre. Corvus peut maintenant être fièrement exhibé dans les cercles scientifiques. Il est possible d'apprendre aux oiseaux à faire de petites choses. Mais un oiseau aussi intelligent et cultivé que Corvus est unique dans les annales de l'histoire. L'orniton a parfaitement rempli sa tâche. Corvus est maintenant capable de répondre à des questions auxquelles il est possible de répondre en quelques mots, ou à l'aide de chiffres, sur des sujets aussi divers que les mathématiques, l'histoire, la géographie et les sciences naturelles. De plus, Corvus a spontanément acquis ce qu'il faut bien nommer une part d'intelligence humaine, ce qui constitue en soi une première. Je fournirai un exemple. J'étais en train de boucler ma valise ce matin en prévision de mon voyage à Santiago. À l'instant où je la refermais, j'ai vu Corvus m'apporter la clé dans son bec. Reçu une nouvelle lettre de Grenfell. Il se trouve déjà à Santiago. Les organisateurs du colloque comptent sur ma venue. Jusqu'à présent, ces rencontres n'ont abordé les oiseaux que dans l'abstrait. Jamais un oiseau en chair et en os n'y a servi d'illustration. Le mémoire que j'ai rédigé repose sur les inestimables informations que j'ai rassemblées au cours des 2 derniers mois sur le comportement de cet oiseau. Corvus sera là en personne pour réduire au silence mes détracteurs. 10 novembre. J'écris ceci dans l'avion. Je n'ai à relater qu'une seule anecdote. Comme nous étions sur le point de quitter la maison, je me suis aperçue que Corvus donnait les signes de la plus grande agitation et cherchait de toute évidence à sortir de sa cage. Je n'en voyais pas les raisons. Je lui ai néanmoins ouvert la porte. Elle a volté jusqu'à mon bureau et s'est mise à donner furieusement du bec dans le tiroir. Je l'ai ouvert. Mon passeport s'y trouvait encore. J'ai construit un nouveau type de cage pour Corvus. Il y est maintenu la température qui lui convient le mieux. Pour son alimentation, j'ai mis au point de petits globules à la fois savoureux et nourrissants. Corvus a éveillé la curiosité des passagers de l'avion qui n'avaient jamais vu semblable animal domestique. Je n'ai parlé à personne de sa particularité, que je préfère garder secrète. » Et l'oiseau lui-même, ressentant probablement cela, se comporte comme une corneille ordinaire. 14 novembre. Hôtel Excelsior, Santiago, 11h. J'ai été trop occupée ces derniers jours pour écrire quoi que ce soit. Je vais d'abord narrer mon intervention, puis j'en viendrai aux événements fort déconcertants qui se sont produits récemment. Pour abréger, je dirai que je peux être fière de mon exposé. La lecture du mémoire en a occupé la première demi-heure. Sitôt montée sur le podium, j'avais tiré Corvus de sa cage pour la poser sur la table. Il s'agissait d'une longue table d'acajou derrière laquelle siégeaient les organisateurs. Je me trouvais en bout de table devant le micro. Tout au long de l'exposé, Corvus m'a écouté avec la plus extrême attention, hochant parfois la tête pour montrer qu'elle comprenait le sens de mon propos. Aux applaudissements qui ont suivi, elle a apporté sa contribution en tambourinant du bec sur le plateau de la table. Elle n'a pas eu un instant de répit au cours de la démonstration qui a suivi. Elle a fait étalage de tout ce qu'elle a appris au cours des deux derniers mois, au grand étonnement des délégués qui tous se sont accordés pour dire qu'ils n'avaient jamais imaginé qu'un oiseau pût faire montre d'une telle intelligence. L'édition du soir du Correro de Santiago a étalé la nouvelle à la une, assortie d'une photo de Corvus, un crayon dans le bec. Après l'assemblée, Grenfell et moi sommes allés visiter la ville en compagnie du président Senor Covarrubias. C'est une métropole animée et élégante, à l'est de laquelle la chaîne des Andes se dresse comme une muraille entre Chili et Argentine. Nous roulions depuis peut-être une heure quand Covarrubias s'est retourné vers moi pour dire « Vous devez avoir remarqué que notre programme prévoit diverses réjouissances pour la distraction de nos invités. Je vous recommande tout particulièrement le spectacle que donne ce soir le magicien chilien Argus. Il a la particularité d'utiliser nombre d'oiseaux dressés. » Très intéressé, de même que Grenfell, je suis donc allée au théâtre Plaza voir le spectacle de Senor Argus. Il est exact qu'il utilise beaucoup d'oiseaux. Des canards, des perroquets, des pigeons, des poules, une grue immense et une volière de colibris qui ont tous à l'évidence reçu un dressage très soigneux. Mais aucun de ces oiseaux n'arrive à la cheville de Corvus. Pour dire vrai, j'ai trouvé le magicien bien plus intéressant que ces oiseaux. Il mesure plus d'1,85 m, avec un nez en bec de perroquet et des cheveux séparés au milieu, plaqués et lustrés. Il porte des verres si épais que ses pupilles ne sont plus que deux petits points noirs. Des manches de sa redingote noire émergent des mains immenses et pâles, dont les doigts interminables ensorcellent l'assistance de leurs mouvements sinueux. Même si le spectacle n'est pas de première qualité, la présence et la personnalité d'Argus faisaient que l'on ne regrettait pas son argent. Sur les marches du théâtre, j'ai dit à Grenfell qu'il serait bon de montrer à cet homme, maintenant qu'il nous avait montré les siens, certains des tours de Corvus. Le dîner fut suivi d'un excellent café chilien et d'une promenade en compagnie de Grenfell dans les jardins de l'hôtel. Il était 10h lorsque j'ai regagné ma chambre. J'allais éteindre quand le téléphone a sonné. « Seigneur Shanku ?»« Oui, je vous appelle de la réception. Désolé de vous déranger à une heure pareille, monsieur, mais il y a là un monsieur qui insiste pour vous voir. » J'ai dit que j'étais trop fatiguée pour recevoir qui que ce soit et qu'il était préférable que ce monsieur prît rendez-vous pour le lendemain matin. J'étais certain qu'il s'agissait encore d'un journaliste. J'avais déjà été interviewée à 4 reprises. Certains des questions que ces gens posaient éprouvaient rudement la patience, même d'une personne aussi placide que votre serviteur. Ainsi, l'un d'eux m'avait demandé si les corneilles, comme les vaches, étaient sacrées en Inde. Le réceptionniste parla avec le visiteur, puis s'adressa de nouveau à moi. « Seigneur Shankou, ce monsieur dit qu'il ne demande que 5 minutes de votre temps. Il n'est pas libre demain matin. Ce monsieur est un journaliste. »« Non, il s'agit du célèbre magicien chilien Argus. » Je ne pouvais que le laisser monter. J'ai rallumé la lampe. 3 minutes plus tard, on a sonné à la porte. Cet homme, qui, sur scène, semblait dépasser le 1m80, me paraissait maintenant avoisiner les 2 mètres. En fait, jamais je n'avais rencontré quelqu'un d'aussi grand. Même lorsqu'il s'est incliné, il me dépassait encore de 30 bons centimètres. Je l'ai fait entrer. Il avait enlevé son costume de scène et portait maintenant un costume ordinaire, à ceci près qu'il était lui aussi entièrement noir. Lorsqu'il est entré, j'ai remarqué qu'un numéro de l'édition du soir du Correro dépassait de sa poche. Après que je l'eus félicité pour son spectacle, nous nous sommes assis. Pour autant que je m'en souvienne, ai-je dit, un personnage de la mythologie grecque avait des yeux sur l'ensemble de son corps et se nommait Argus, un nom tout désigné pour un magicien. Argus s'est mis à sourire. En ce cas, vous vous rappelez sûrement que ce personnage n'était pas sans rapport avec les oiseaux. La déesse Héra lui avait arraché les yeux pour les déposer sur la queue du paon, d'où les marques circulaires que l'on y voit de nos jours. Ce qui m'intrigue, ce sont vos lunettes. Quelle est la puissance de vos verres ? -20. Mais cela ne constitue pas une gêne. Aucun de mes oiseaux n'est myope. Argus a ri de sa plaisanterie. Soudain, il s'est tu, bouche bée. Il venait d'aviser la cage en plastique posée sur une étagère dans un coin de la chambre. En rentrant, j'avais trouvé Corvus endormie. À présent, elle était réveillée et regardait fixement le magicien. Celui-ci, la bouche toujours ouverte, a quitté son siège pour s'avancer sur la pointe des pieds jusqu'à la cage. Il a regardé la corneille pendant 1 minute entière, puis il a recouvré l'usage de la parole. Depuis que j'ai lu l'article à propos de cet oiseau, je n'ai plus songé qu'à vous rencontrer. Je n'ai pas eu le privilège de vous entendre. Je ne suis pas ornithologue, mais je dresse moi aussi des oiseaux. Il a alors regagné son fauteuil. Il avait l'air préoccupé. « Je me doute que vous devez être fatigué, » a-t-il repris. « Mais si vous pouviez sortir l'oiseau de cette cage, que j'ai au moins un aperçu de son intelligence. »« Voyez-vous, Seigneur Argus, je ne suis pas le seul à être fatigué. Corvus l'est aussi. Je vais vous ouvrir la cage, mais pour le reste, cela va dépendre de sa bonne volonté. Je ne peux la contraindre à faire quelque chose si elle n'en a pas envie. » « D'accord, ça me va. » Je suis allée ouvrir la cage. Corvus a volé jusqu'à la table de chevet et d'un mouvement précis du bec a éteint la lampe. La chambre était plongée dans la pénombre. De l'autre côté de la rue, le néon vert pâle de l'hôtel Métropole nous éclairait par intermittence. Je me taisais. Corvus a regagné sa cage et refermé la porte toujours à l'aide de son bec. La lueur verte venait frapper le visage d'Argus. À travers les verres épais de ses lunettes cerclées d'or, ses yeux paraissaient encore plus reptiliens. Je voyais qu'il était au comble de l'étonnement et que le sens de l'action de Corvus ne lui avait pas échappé. L'oiseau entendait se reposer. Il ne voulait pas que la chambre fût éclairée. L'obscurité et dormir, voilà ce qu'il voulait. De dessous la fine moustache est sorti un balbutiement. « Magnifico !» Argus avait ramené les mains sous son menton, paume contre paume, en un geste d'applaudissement figé. C'est alors que j'ai remarqué ses ongles, extraordinairement longs et luisants. Il les avait passés au vernis argenté afin que les feux de la rampe mettent en valeur le jeu de ses doigts. La lueur verte s'y réfléchissait en rythme. « Il me faut cet oiseau » a-t-il fait en anglais d'une voix sourde. Jusqu'alors, il n'avait parlé qu'espagnol. J'ai conscience en relatant ceci que cet homme peut paraître animé d'une convoitise éhontée. En fait, il me suppliait. « Il me le faut » a-t-il répété. Je le considérais en silence, je n'avais nul besoin de parler pour l'instant. J'attendais de voir ce qu'il avait à dire. Après avoir longuement regardé dehors, il s'est retourné vers moi. J'étais fascinée par l'alternance sur son visage de l'ombre et de la lumière. Pendant une seconde, il était ici, puis il n'y était plus. On eût pu y voir quelque magie. Il s'est désigné du doigt. « Regardez-moi, professeur, je m'appelle Argus. Je suis le meilleur magicien du monde. Dans toutes les villes d'Amérique du Nord et du Sud, tous ceux qui s'intéressent à la magie me connaissent. Hommes, femmes, enfants, tout le monde me connaît. Le mois prochain, j'entame une tournée mondiale. Rome, Madrid, Paris, Londres, Athènes, Stockholm, Tokyo. Toutes ces capitales acclameront mon génie. » Mais savez-vous ce qui peut rendre mon art mille fois plus merveilleux? C'est cet oiseau, cette corneille indienne. Je veux cet oiseau, professeur, je le veux! Tout en parlant, Argus faisait jouer ses mains devant moi à la façon de deux serpents se dressant aux accents d'une flûte. Ses ongles accrochaient la lueur intermittente de l'enseigne au néon. J'étais malgré moi sous le charme. Si un autre que moi avait été à ma place, nul doute qu'Argus eût arrivé à ses fins. Le moment était venu de lui faire comprendre que cela ne marchait pas avec moi. « Monsieur Argus, ai-je fait, vous perdez votre temps. Il est vain de tenter de m'hypnotiser. Je ne puis accepter votre requête. Corvus n'est pas seulement mon élève, c'est pour moi comme un fils, un ami. » Elle est l'aboutissement d'un travail inlassable. « Professeur » a-t-il lancé d'une voix dure, qu'il s'est empressé de radoucir. « Professeur, avez-vous conscience de ce que je suis milliardaire? Savez-vous que je possède une demeure de 50 pièces dans la banlieue et est de cette ville, que j'ai 26 domestiques et 4 cadillacs? « Rien n'est trop cher pour moi, professeur. Pour cet oiseau, je suis à disposer à vous verser sur le champ 10 000 escudos. »« 10 000 escudos, cela fait à peu près 15 000 roupies. » Argus ignorait que, si la dépense ne représentait rien pour lui, l'argent n'était rien pour moi. Je le lui ai dit. Il a fait une dernière tentative. « Vous qui êtes indien, ne croyez-vous pas aux associations mystiques ? Argus, Corvus, comme ces deux noms vont bien ensemble. Ne voyez-vous pas que le destin de cet oiseau est de me revenir ?» J'en avais assez entendu. Je me suis levée. « Monsieur Argus, vous pouvez garder vos voitures, maisons, richesses et renommées. Corvus reste avec moi. Sa formation n'est pas terminée. J'ai encore du travail à accomplir avec elle. Je suis extrêmement fatiguée. Vous aviez sollicité 5 minutes de mon temps, je vous en ai donné 20. Je ne puis vous en accorder davantage. Je voudrais maintenant dormir un peu, et mon oiseau de même. Par conséquent, bonne nuit. » Il me faut avouer que je ressentais quelque pitié devant son air misérable. Je n'en montrais rien cependant. Il s'est une nouvelle fois incliné, et marmonnant « bonne nuit » en espagnol, il est sorti. Ayant refermé la porte, je me suis approchée de la cage. Corvus ne dormait pas. En me regardant, elle a émis la syllabe « Kai ». « Qui ?» d'un ton qui marquait clairement l'interrogation. « Un magicien un peu fou, lui ai-je répondu, avec plus d'argent qu'il ne lui en faudrait pour son bien. » Il voulait t'acheter, mais j'ai refusé. Tu peux dormir tranquille. 16 novembre. J'aurais voulu relater hier soir ce qu'il s'est passé au cours de la journée, mais il m'a fallu une bonne partie de la nuit pour surmonter le choc. La façon dont la journée avait commencé n'annonçait en rien l'imminence du danger. La matinée a été occupée par une séance de travail dont le seul événement notable fut l'intervention impromptue, extraordinairement ennuyeuse, de l'ornithologue japonais Morimoto. Après avoir parlé pendant peut-être une heure, il a subitement perdu le fil de son propos et s'est mis à chercher ses mots. À ce point, Corvus, que j'avais amené avec moi, a décidé de déclencher des applaudissements en se frottant le bec sur l'accoudoir de mon fauteuil. Cela lui a valu un éclat de rire général et à moi un embarras extrême. Ensuite, un déjeuner était donné à l'hôtel pour quelques-uns des congressistes. Avant de m'y rendre, j'ai regagné ma chambre, la 71, pour remettre Corvus dans sa cage. Après lui avoir donné à manger, je lui ai dit « Tu vas rester ici, je descends déjeuner ». Toujours très obéissante, Corvus n'a pas protesté. Lorsque je suis remontée, il était 2h30, mon cœur s'est serré quand j'ai voulu mettre la clé dans la serrure. La porte était entrebâillée. Je me suis précipitée dans la chambre pour voir se confirmer mes pires craintes. Corvus et sa cage avaient disparu. Je me suis ruée dans le couloir. Le local du personnel était situé deux suites plus loin. Deux garçons d'étage s'y trouvaient, debout, muets, l'œil vitreux. Il était clair qu'on les avait hypnotisés. J'ai couru jusqu'au 107, chambre de Grenfell. Je lui ai tout raconté. Nous sommes descendus ensemble à la réception. « Personne n'a demandé la clé de votre chambre, » m'a répondu l'employé. « Les garçons d'étage ont un double. Peut-être l'auront-ils donné à quelqu'un ?» Les garçons d'étage n'avaient pas eu à donner les clés. Argus les avait neutralisés et s'était lui-même servi. Nous avons fini par apprendre ce qu'il s'était réellement passé de la bouche du concierge. Argus était arrivé une demi-heure plus tôt à bord d'une Cadillac argentée. 10 minutes plus tard, il était ressorti, chargé d'un colis emballé de cellophane. Ils étaient remontés en voiture et s'en étaient allés. Une Cadillac argentée. Mais où s'était-il ensuite rendu? Chez lui? Ailleurs? Nous ne pouvions que nous en remettre à Covarrubias. « Je peux vous trouver très vite le lieu de résidence d'Argus », nous a-t-il déclaré. « Mais cela servirait-il à grand-chose ? Il est peu probable qu'il soit rentré chez lui. Il a dû aller se cacher quelque part avec votre corneille. Mais s'il a choisi de quitter la ville, il n'a pu prendre qu'une seule direction. Je peux vous trouver une bonne voiture, un chauffeur et du personnel de police pour vous accompagner. » Mais le temps presse. Il faut que vous soyez sur l'autoroute dans une demi-heure d'ici. Avec un peu de chance, vous pouvez encore le retrouver. À 3h15, nous étions en route. Avant de partir, j'ai téléphoné de l'hôtel pour m'assurer qu'Argus n'était pas rentré chez lui. Nous étions à bord d'une voiture de la police en compagnie de deux agents. L'un d'eux, jeune type du nom de Carreras, s'avéra bien informé au sujet d'Argus. Celui-ci avait plusieurs caches possibles à l'intérieur et à l'extérieur de Santiago. Il avait, à une certaine époque, frayé avec des gitans. Il donnait des spectacles de magie depuis l'âge de 19 ans. 4 ans plus tôt, il avait inclus des oiseaux dans son spectacle, ce qui avait donné un sérieux coup de pouce à sa renommée. J'ai demandé à Carreras si Argus était vraiment milliardaire. Il en a tout l'air, m'a répondu le policier. Mais c'est un radin et il n'a confiance en personne. C'est pourquoi il ne compte plus que très peu d'amis. Quand, quittant la ville, nous nous sommes engagés sur l'autoroute, un petit problème s'est présenté. L'autoroute bifurquait. Une voie partait vers le nord et les Andes, l'autre s'orientait à l'ouest vers Valparaiso. Juste avant l'embranchement, une station-service. Nous avons interrogé le pompiste. « Une Cadillac argentée ? Celle du seigneur Argus ? Oui, je l'ai vu prendre la route de Valparaiso, il y a un petit moment. » nous nous sommes élancés à sa poursuite. Je savais que Corvus ne courait aucun danger, puisqu'Argus avait grand besoin d'elle. Mais son comportement de la veille indiquait clairement qu'elle n'appréciait pas du tout le magicien, et cela me peinait de penser combien elle devait être malheureuse entre les griffes de son ravisseur. Nous nous sommes arrêtés dans deux autres stations-service, où l'on nous confirma que la Cadillac venait de passer quelque temps avant. Je suis un optimiste. Je me suis sortie de bien des pétrins au cours de ma vie. Jusqu'à présent, aucune de mes entreprises n'a connu d'échec. Mais Grenfell, qui était assis à côté de moi, ne cessait de secouer la tête en répétant « N'oubliez pas, Shankou, que vous avez affaire à un homme redoutablement intelligent. Maintenant qu'il a mis la main sur Corvus, il ne va pas être facile de la récupérer. » Et Carrera se d'ajouter, « Le seigneur Argus est peut-être armé. Je sais qu'il utilise de vrais revolvers dans certains de ses numéros. » La route était en pente douce. De l'altitude de Santiago, qui est de 500 mètres, nous étions passés à 300 mètres. Derrière, les massifs montagneux disparaissaient peu à peu dans la brume. Nous avions déjà parcouru 65 kilomètres. Et encore autant, et nous serions à Valparaiso. L'attitude maussade de Grenfell commençait d'entamer ma cuirasse d'optimisme. Si nous ne rattrapions pas Argus sur la route, il nous faudrait le chercher en ville, ce qui présenterait 100 fois plus de difficultés. Nous étions en train de gravir une forte déclivité, nous ne voyions rien au-delà du sommet de la côte. Parvenus en haut, nous avons vu que la route s'étirait en pente douce, aussi loin que portait le regard. Quelques arbres en parsemaient les bords. Un village se devinait dans le lointain. Des buffles paissaient dans un pré. Pas un être humain en vue. Mais qu'apercevait-on là-bas? C'était encore assez éloigné. Au moins 400 mètres. Nous avons bientôt identifié une voiture. Elle luisait au soleil, arrêtée en travers sur le bas-côté. Une Cadillac. Une Cadillac argentée. Notre Mercedes s'est immobilisée à sa hauteur. Nous avons tout de suite compris ce qu'il s'était passé. Elle avait fait une embardée et percuté un arbre. Tout l'avant était embouti. « C'est la voiture du seigneur Argus, » a dit Carreras. « Il n'y a qu'une seule autre Cadillac de cette couleur à Santiago, celle du banquier, le seigneur Caldames. Je reconnais celle-ci à son numéro. » La voiture était là. Mais où était passé Argus? Qu'est-ce que c'était que cela, sur le siège avant? J'ai passé la tête à l'intérieur. Il s'agissait de la cage de Corvus. J'en avais la clé dans ma poche. Avant d'aller déjeuner, je m'étais contentée d'enfermer la porte sans lui donner un tour de clé. De toute évidence, Corvus avait quitté la cage par ses propres moyens. Mais que s'était-il passé ensuite? Tout à coup, nous avons entendu quelqu'un crier au loin. Carreras et l'autre policier ont sorti leur arme. Notre chauffeur, lui, était un vrai poltron. Il est tombé à genoux et s'est mis à prier. Grenfell avait le visage décomposé. « Les magiciens m'ont toujours donné la chair de poule », a-t-il fait. « Il vaudrait peut-être mieux que vous restiez dans la voiture », ai-je répondu. Les cris se rapprochaient. Ils semblaient provenir de fourrés qui se trouvaient à quelque distance de là, à gauche de la route. Il m'a fallu quelque temps pour reconnaître cette voix, car je n'en avais entendu la veille qu'un murmure voilé. C'était celle d'Argus. Il déversait un torrent d'imprécations en espagnol et y associait le nom de mon oiseau. « Où est passé cet oiseau du diable ?» Corvus, Corvus, qu'il aille en enfer! Argus tout à coup s'est figé. Il nous avait vus. Il se tenait à une trentaine de mètres de là, près d'un groupe de buissons. Il avait un revolver dans chaque main. Baissez vos armes, seigneur Argus, lui a lancé Carreras. Sinon. avec une détonation assourdissante. Une balle est venue s'écraser sur la portière de la Mercedes. Trois autres coups de feu ont suivi. Les balles sifflaient au-dessus de nos têtes. « Seigneur Argus, nous sommes armés !» a lancé Carreras d'une voix menaçante. « Si vous ne jetez pas vos armes, nous nous verrons obligés de vous tirer dessus. »« Me tirer dessus ?» a gémi l'autre d'une voix altérée. « Vous êtes de la police ?» « Je ne vois rien !» Il se trouvait maintenant à une dizaine de mètres. C'est alors que j'ai compris son problème. Il avait perdu ses lunettes et c'est pourquoi il tirait au jugé. Il a laissé tomber ses revolvers et s'est avancé en trébuchant. Les deux policiers sont allés jusqu'à lui. Je savais que dans l'état où il se trouvait, Argus n'essaierait pas de nous jouer un de ses tours. Il était pitoyable. Carreras a ramassé les pistolets, l'autre se lamentait. « L'oiseau s'est échappé. Cette année, Corneille, elle est d'une intelligence diabolique. » Cela faisait déjà un moment que Grenfell essayait de dire quelque chose. J'ai fini par comprendre ce qu'il bredouillait. « Shanku, voilà votre oiseau. » Qu'est-ce qu'il racontait ? Je ne voyais Corvus nulle part. Grenfell montrait la cime dénudée d'un acacia, de l'autre côté de la route. J'ai levé les yeux. Oui, elle était là-haut, mon amie, mon élève, ma chère vieille Corvus, juchée sur la plus haute branche, en train de nous regarder calmement. Je lui ai fait signe. Elle s'est gracieusement laissée descendre à la façon d'un cerf-volant pour se poser sur le toit de la Mercedes. Puis, précautionneusement, comme pleinement consciente de sa valeur, elle a déposé devant nous l'objet qu'elle tenait dans son bec. Les verres épais, cerclés d'or, de Seigneur Argus. Eh bien, voilà, voilà notre histoire de Corneille, de magicien, puis un petit peu d'extravagance, n'est-ce pas ? Allez, je vous laisse avec une belle musique, hein. Toujours un petit peu d'harmonica. Pierre Huya Choupke. Oui, je l'ai certainement mal dit. À bientôt sur Radio Gemozo.